Comme tous les tours que t'as fait dans ta cité, t'oublies pas le charbon mais t'aurais dû l'éviter. À côté des flics, le client ça l'invitait. Vite cours, y'a les chemises dans le kangou, le chétan te téléguidé. La prison t'a niqué, t'as pris des années. Beaucoup t'ont oublié, téléphoné jamais. Pas de mandat, pas à fumer. Faut pas en vouloir à tout le monde, pas tout le monde pouvait t'assumer. N'en veux pas à ton pote, même si t'as envie de le fumer. Parce qu'à cause de lui, la juge t'a allumé. T'avais besoin de parler quand t'étais mal luné. Mais malade en cellule, t'es tombé sur un fatigué. Quand t'es dedans, ça calcule pas ta mère. Alors dehors, ça lui montait les courses. Tu vois qu'ils sont rares quand t'es dans la merde. Mais bon, des erreurs, on en fait tous. Et ça fait des tractions, et ça fait des pompes. Ça dit dès que sort, je les fume mon pompe. Qui se rappelle quand il me tirait les pompes? C'était pas le patron, lui il faisait les comptes. Une embrouille, un appel, envoie le partage, dans pas longtemps ça pète. Que ça chante à la fenêtre, rendez-vous à la douche, et ça c'est pas on traîne jusqu'à tard. Ça si je t'aime, ça fait le bâtard. On attend que les vrais sortent du placard. Y'a tout le check qui touche là-dedans. Derrière une bise cache une calage. Fais gaffe ici, t'as pas l'âge. Qui dit business dit rafalage. Dès que tu tournes le dos, ça se lâche. Tu descends en promenade, tu dis qui veut me tester. J'ai mon 12 à rimer 10 vestes. J'ai arrêté moi de faire des têtes. Ça va se finir dans les faits divers. Putain c'est la dèche, il te faut un coffreur. Pour faire du bénéf, donner du pâte au coiffeur. Tu fais bien ta prison si tu fais pas le meilleur. Tu fais pas le meilleur, tu fais pas le meilleur. Tu fais bien ta prison si tu fais pas le meilleur. Reste à ta place ou ça se retourne contre toi. Fais pas chauffer, ne monte pas au grillage. Si ça te perce dans la chaussure, j'ai mis l'outillage. Pour des futilités, des enfantillages. Ça slam franco, ça joue les millas. Si tu te fais moulonner, t'auras beau crier. Tu verras vraiment pour toi les personnes qu'il y a. T'as le visage marqué. Devant ta daronne, tu vas te remarquer. Elle va repartir la tête pleine de questions. Où tu laisses, tu dis rien, où tu dois les marquer. Le cœur en or, la tête pleine de missions. Que ils chantent dans les émissions. Tu crois en Dieu, même t'en as les frissons. Mais tu vends un charcle à ta permission. La tôle c'est dur, faut pas le cacher. Tu vois des légumes sous cachet. Et toi, ils veulent te mettre au cachot. C'est chaud, t'auras même pas un plat chaud. Tu deviens ancien, ils te mettent un arrivant. Mais le drapeau, il va bloquer. 7h du mat, y'a la ronde, cache le chenil. Le soir on traîne jusqu'à tard. Ça se dit je t'aime, ça fait le bâtard. On attend que les vrais sortent du placard. Y'a tout le check qui touche la tasse. Derrière une bise cache une calage. Fais gaffe ici, t'as pas l'âge. Qui dit business dit rafalage. Dès que tu tournes le dos, ça se lâche. Le soir on traîne jusqu'à tard. Ça se dit je t'aime, ça fait le bâtard. On attend que les vrais sortent du placard. Y'a tout le check qui touche la tasse. Derrière une bise cache une calage. Fais gaffe ici, t'as pas l'âge. Qui dit business dit rafalage. Dès que tu tournes le dos, ça se lâche.